DevOps. DevOps, le magazine et observatoire du DevOps. Bonjour à toutes et à tous, Dev Admin 6, DevOps SRE, testeur, intégrateur de tout bord, de tout lieu, de toute culture et de toutes opinions. Bienvenue dans un podcast que l'on espère bienveillant et varié. Aujourd'hui, même équipe que la dernière fois, promis, on essaiera de faire un effort avec un peu plus de diversité. Alors, à ma gauche, on a Victor. Salut. En face de moi, on a Barthélémy. Hello. Et à ma droite, on a Marc. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va faire un peu différent de la dernière fois, mais promis, on va faire au mieux. Alors, DevOps, saison 1, épisode 2, c'est parti. Au programme, et pour toi, c'est quoi le DevOps? On aura le cube, qu'est-ce que c'est? On aura l'ASLA, on aura doit-on tout automatiser? Et enfin, les risques du DevOps. On est parti avec toi, Victor, pour une définition du DevOps. Et toi, pour qu'est-ce que c'est? Ok, alors, pour moi, le DevOps, c'est avant tout créer une culture de collaboration à travers tous les silos dans une organisation. Historiquement, il s'agit bien entendu des silos développement et opération, qui partageaient que peu d'intérêts et de compétences en commun jusqu'à il n'y a pas si longtemps, générant par la même occasion énormément de frictions au quotidien. En améliorant la collaboration entre ces silos historiques, le DevOps tend à réduire la frustration et le rejet de la faute sur l'organisation ou la personne, tout en améliorant les résultats liés au business et en rendant la tâche plus facile au développement et à l'opération pour mener à bien leurs intérêts communs. Si vous ne devez retenir qu'une chose, retenez donc le terme collaboration et donnez-vous comme mission de l'appliquer en toutes circonstances et sans a priori négatif, et vous verrez que ça peut tout changer. Il faut noter aussi que ce concept peut être étendu à d'autres silos historiques, comme par exemple le business ou la sécurité. On parlera alors de BizOps ou SecOps. Super, donc une définition concise. Voilà, assez court. Voilà, alors on va essayer de garder cette chronique à chaque fois pour que vous ayez en permanence des définitions différentes et que vous arriviez à appréhender un peu mieux l'esprit du DevOps. Donc maintenant on va passer à une partie débat que je vais introduire, donc avec Kubernetes. Je vais vous présenter un peu Kubernetes et après on va pouvoir en discuter tous ensemble pour voir un peu les différents avis sur la question. Donc Kubernetes, ou Kubites, ou Kube, alors de quoi parlons-nous? Déjà un bref historique. Le premier jour, l'informatique créa le monolithe, simple et efficace. Le second jour, ébloui par les bases de données, l'informatique créa les architectures trois tiers. Le troisième jour, lassé de voir son service tomber, l'informatique créa les clusters. Le quatrième jour, débordé par les opérations manuelles, l'informatique créa l'automatisation. Le cinquième jour, dépassé par le nombre de machines, l'informatique créa les ordonnanceurs et de nouveaux nuages. Le sixième jour, lassé par la programmation objet, l'informatique créa le microservice. Enfin, le septième jour, pour se reposer et ne plus avoir à se faire réveiller par les astreintes, l'informatique créa Kubernetes. Alors, Kubernetes, c'est un projet qui a été initié mi-2014 par des ingénieurs de Google qui travaillaient, eux, en interne sur Borg, l'orchestrateur maison. Le nom original de Kubernetes est en interne Project Seven, en référence au personnage de Star Trek qui est un Borg devenu amical. La version 1.0 sort en juillet 2015 et le projet est dit dogmatique. Les briques de base sont posées, pod, label, service, contrôleur et surtout API first. Pourquoi j'en parle aujourd'hui, vu les actualités récentes, en fait on a vu que tous les derniers projets qui s'étaient créés ces dernières années maintenant rejoignent un peu la sphère Kubernetes. On a eu l'annonce très récente de Docker qui a décidé vraiment d'embrasser Kubernetes de manière pleine et entière, c'est-à-dire qu'ils vont garder Swarm mais aussi avoir une compatibilité Kube. On a depuis très longtemps OpenShift 3 qui est passé en couche sous-jacente à Kube. Et en fait, on l'a vu dans un peu partout. On a Canonical maintenant qui travaille dessus, qui fait pas mal d'interventions pour que toutes leurs solutions soient dites compatibles. Donc voilà, c'est vraiment pour placer un peu le contexte. Je sais pas si quelqu'un veut parler de son utilisation ou si en tout cas on veut parler de la mainmise de Kube qu'il peut avoir sur l'industrie à l'heure actuelle dans notre secteur. J'ai une question pour toi du coup. Donc t'as parlé un peu de Kube, de son historique, tout ça. Mais qu'est-ce qui pour toi fait que Kube a vraiment pris autant d'importance et surpasse d'autres projets qu'on pourrait qualifier de similaires qui existaient avant, hein, avant Cube. Bah, alors déjà, les projets similaires, on pourrait noter, pour information, Swarm, Mesos ou Nomad, par exemple. Bah, je suis sûr qu'il y en a encore plein d'autres. Cube, à mon avis, ce qui a fait sa force, c'est un peu ce que je dis, c'est que c'est un projet très dogmatique. C'est-à-dire qu'en fait, dès le début, quand on arrive dans une architecture Cube, on sait un peu là où on met les pieds. C'est-à-dire que tout se ressemble beaucoup et donc il y a une grosse notion de rejeu possible. Ce qui était la force de Docker, par exemple, à la base, c'était de se dire qu'un conteneur qui tourne sur une machine tournera ailleurs. Avec Cube, on a un peu la même chose, c'est-à-dire que quand on arrive sur une infra Cube, on peut avoir une rejouabilité des scénarios possibles. Je trouve que c'est ça, en fait. Et ça, c'est dû, à mon sens, à la notion d'API très forte et de composants qui sont très matures, en fait. Par exemple, la forme de pod est une forme qui maintenant a pris son essor dans les autres frameworks. Mesos, par exemple, l'a ajouté pas très récemment, mais récemment. Donc en fait, c'était cette force-là d'avoir quelque chose qui était dès le début avec une vraie vision qui a pu bien normer les choses, en fait, à mon sens. D'accord. Moi, j'ai pas une grande expérience de Kubernetes. Je vais être amené à en faire de plus en plus de par mon métier. Pour moi, ouais, Kubernetes, c'est vraiment ce qui va un petit peu cristalliser tout l'effort des containers et ce qui a vraiment été initié par Docker il y a 3-4 ans maintenant. J'aurais vraiment tendance à dire que, ouais, ils ont gagné la guerre, entre guillemets, des scheduleurs, des orchestrateurs. Mais, pour le coup, je sais pas comment finir cette phrase, désolé. Ok, bon, y a pas de problème, mais t'as expliqué l'origine de Kubernetes, t'as expliqué que tout le monde faisait du Kubernetes, qu'il y avait un mouvement global de convergence vers cette solution technique, mais t'as pas vraiment exprimé qu'est-ce que proposait en plus cette API-là par rapport à d'autres API qui pouvaient préexister, notamment, je sais pas, les API de Mesos, ou les API de Docker, ou les API proposées par HashiCorp. J'ai pas saisi, alors moi non plus j'ai pas une énorme expérience de Cube, cela dit je suis un fervent convaincu, mais je pense pas que nos auditeurs ils aient bien saisi la profondeur de la solution. Donc est-ce que tu peux développer un peu plus ce point là C'était la question que j'attendais. Alors oui, en effet, alors Kubernetes, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment quelque chose qui existait depuis longtemps, puisque je l'ai même dit, dès le cinquième jour, on avait déjà le droit à des ordonnanceurs, typiquement du Amazon, des choses comme ça, où on allait demander à avoir des infras. En fait, Cube, ce que ça va permettre, c'est vraiment d'avoir la notion totale de cycle de vie d'un produit. C'est-à-dire là, on n'est plus au niveau d'une machine, comme pouvaient faire avant les ordonnanceurs de type Amazon, où on demandait à faire booter une machine, qui après faisait ce qu'on avait décidé que ça en fasse. Là, ici, avec Cube, on va réussir à faire des notions de... En fait, c'est un patchwork de tout ce qui a été fait avant. C'est-à-dire, par exemple, un pod, en fait, c'est la décomposition la plus minimale d'une instance, en fait, de quelque chose qui va travailler et qui va faire un besoin. Ça va être un assemblage de plusieurs containers. Container, sachant, il faut le voir à la vision Docker, c'est-à-dire un container, c'est une application mise dans un contexte. C'est un peu une évolution de tout ce qu'on a vu avant avec le Vendoring. Là, on a vraiment quelque chose qui est donc dans le pod, où on va pouvoir associer ensemble des composants. Un peu comme une architecture 3/3, mais vraiment bonne le lisez. C'est l'application peut être liée à un proxy, peut être liée à une autre base de données, si jamais ça devient cohérent, c'est-à-dire si jamais il n'y a pas besoin de redondance. Faut voir. Voilà, on peut tout faire avec un pod, il faut pas tout faire. Oui. Mais donc voilà, on a cette unité de base, et après cette unité de base-là, on va pouvoir après dire à Kubernetes d'aller la généraliser, aussi bien en la scalant, mais pas obligatoirement, il peut aussi juste faire un monitoring dessus et aller la reproduire ailleurs. En fait, ça c'est des choses qu'on avait déjà vues avant dans Mesos et dans plein d'autres frameworks, comme je disais avant. Ce qui est la force dans Mondcube, c'est d'abord la simplicité, c'est-à-dire d'avoir des éléments de base qu'on va pouvoir combiner les uns avec les autres. Il y a une notion aussi très forte, là, pour le coup, qui vient de l'expérience de Google, qui est la notion des labels, c'est-à-dire pour aller pointer sur un service, ce service va présenter des labels et on va pouvoir, au lieu de faire quelque chose de très déclaratif, enfin, au lieu d'aller pointer explicitement sur quelque chose, on va faire du déclaratif, c'est-à-dire on va aller... Un service s'expose comme faisant partie d'un label et on va pouvoir aller pointer dessus. Donc en fait, vraiment, c'est pour ça que je disais que c'est vraiment le septième jour qu'on invente Cube. Cube réunit un peu toutes ces notions d'ordonnanceur, prend à bras-le-corps la notion des microservices, c'est-à-dire que tous les services peuvent communiquer entre eux via des labels. Ça va permettre aussi, ça c'était une discussion qu'on avait dans la précédente émission, tout ce qui était l'A-B testing et le blue-green deployment. En fait, avec Cube, avec cette notion de label-là, on va pouvoir avoir vraiment une granularité forte. Sachant que vraiment, ça prend du début de cycle de vie du produit, ça veut dire, pas du développement forcément, mais en mise en prod, c'est-à-dire comment on met en prod, mais aussi comment on maintient et aussi comment on y accède via des ingress, c'est-à-dire qu'on définit les moyens d'accès à son application. Donc, et tout ça, et c'est ça qui est très fort, c'est que, en plus, c'est, comme je disais, dogmatique, dans le sens où tout passe par une API, mais ils sont pas aussi dogmatiques qu'on pourrait le croire, c'est que les implémentations après, elles sont libre et pluggable, c'est-à-dire que demain, si quelqu'un pense que l'orchestrateur inclus dans Kubernetes n'est pas bon, il peut très bien le remplacer et le remplacer par un autre. Mmh. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Oui. Est-ce que tu peux, tu parlais d'API, est-ce que tu peux donner des exemples qui, et notamment sur le cycle de vie, parce que t'as parlé de pod, de capacité, en fait, je vais presque dire statique, mais bon, on est très loin du statique. De l'aspect statique, mais dans la gestion du cycle de vie de ce qui est possible de faire avec les primitives standards de Kubernetes. Alors, les primitives standards sont assez basiques. Les primitives de base, comme je disais, c'était pod, service et des contrôleurs, et encore des contrôleurs simples à la base, dans la version 1.0. En fait, une fois qu'on a ces primitives-là, sont été ajoutées aussi bien par la communauté ou dans le projet en lui-même, des primitives un peu plus compliquées. Par exemple, à la base, on avait les Replication Controllers. Cette primitive de base, toujours définie via une API, permettait de dire « je veux X instances de tel pod ». Et si jamais une tombe, une nouvelle est remplacée. Un problème qui s'est posé, c'était de savoir comment on remplace ces pods-là, c'est-à-dire comment on déploie une nouvelle version. À la base, c'était fait côté client, c'est-à-dire en jouant sur deux replication controllers qu'on créait, une à une version 1 et une à une version 2, et on faisait baisser d'un côté, on faisait augmenter de l'autre, comme on avait la notion de label, devant les frontaux qui envoyaient le trafic, ne voyaient qu'une seule application, c'était en interne pour Cube que c'était différent. Maintenant, on a la notion de deployment qui existe, c'est-à-dire que vraiment, dans la notion de deployment, on garde une version de chaque application, et c'est le cluster en lui-même qui gère la migration via des temporisations, via plein de choses qu'on peut même rajouter. Ça, c'est les primitives de base, mais on peut même voir encore des choses encore plus élevées, et ça, c'est la communauté qui a commencé à en faire. C'est toute la notion de contrôleur maintenant, et d'opérateur plutôt, dans une notion CoreOS, qui est vraiment de contrôler une base de données. Ce qui était compliqué en fait avant dans Cube, puisque ces primitives de base de pod ne permettent pas vraiment de faire du stateful, c'était peut-être ça ce que tu disais. C'est éloigné, mais c'est vrai que j'y pensais. Ouais, c'est donc en fait c'était assez compliqué de faire du stateful en Cube de base avec cette notion de pod et de choses vraiment très conteneurs. On entend encore partout des gens qui disent non, mais mes databases, je les mets pas dans des conteneurs, c'est ou dans Docker, etc. Là, en fait, avec les notions d'opérateurs, c'est qu'on a on a en fait un logiciel qui va connaître la base de données et va permettre de la gérer de manière propre. On a un qui est par défaut, enfin, que CoreOS a par défaut créé, qui est celui d'OTCD, qui permet de gérer un cluster OTCD en le déclarant vraiment en format API comme n'importe quelle autre ressource Kubernetes, et de lui mettre des contraintes de taille de cluster, et après c'est l'opérateur qui va se charger d'aller spawner les pods, d'aller vérifier la réplication entre les différentes instances, et de gérer vraiment le cluster en totalité, voire même il est capable de gérer les backups et les reprises sur backup. On est presque sur du SAS là en fait, on est sur du juju, on est sur des choses où on va demander une brique, on va demander à l'API « donne-moi une base de données MySQL », en lui disant juste component.mysql. Exactement. En fait, et c'est ça un peu la force peut-être de Kubernetes, c'est d'avoir pris en fait le problème par le bon côté. C'est-à-dire, en ayant répondu d'abord aux problématiques sous-jacentes, les problématiques de comment on spawn un conteneur et comment ça marche bien et comment on peut avoir confiance dans ce comportement-là, dessus après ont été créées pas mal de choses qui vont revenir par-dessus. On a même Rook, par exemple, qui est un logiciel qui existe pour déployer un Ceph simplement sur un cluster Cube, c'est-à-dire que vraiment Ceph, qui était pourtant un logiciel, et je suis bien placé pour le connaître, difficile à installer parce que multi-composants, parce que avec besoin d'avoir des clés partagées, etc. Là, on a un logiciel qui est au-dessus, un opérateur qui permet de faire ces choses-là. C'est-à-dire que lui a la connaissance du logiciel et par contre que d'un logiciel en particulier. Voilà. Je vais peut-être prendre, là, ça y est, j'enfile mes habits d'avocat du diable. installer une base de données, installer un CEF, installer plein de choses, faire des backups, gérer le life cycle, c'est compliqué. Donc ça l'a été, ça le sera toujours. Elle est où la complexité dans Kubernetes? Qu'est-ce qui va être compliqué de faire avec Kubernetes? Et parce que dans tous les cas, il y a un travail qu'il faudra faire. C'est quoi Il est où le piège? Alors le piège, à mon avis, en fait, c'est quelque chose aussi dont je parlais. C'était ce qu'on appelait avant le cloud ready ou la cloudification des applications. C'est qu'en fait, à mon avis, il y a des applications qui ne seront jamais prévues pour être prévues dans Kube. On l'a vu par exemple dans Prometheus, pourtant un projet faisant partie du CNCF, on a vu que là dans la version 2.0 qu'ils sont en train de créer, en fait le storage est complètement adapté à Kube, c'est-à-dire que ils ont repensé leur application et la façon dont ils stockaient les données en sachant que derrière les primitives sous-jacentes allaient être différentes. On l'a vu par exemple dans un projet comme Vitesse, qui est donc une base de données créée par YouTube, qui a comme principe sous-jacent le fait qu'ils allaient être sur Kubernetes et qu'il y allait avoir une sorte d'opérateur. Et donc, en fait, c'est du MySQL, mais complètement remanié en pensant à Kubernetes par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, je pense pas que demain, on pourra faire passer des applications historiques sur un cluster compliqué, Galera, par exemple, de manière simple sur un Kubernetes. Je pense qu'il faut... Il faut que ça se pense, en fait, en amont. Par contre, de mettre une application simple, un MySQL simple, sur Kubernetes avec un volume de stockage distribué, par exemple, ça me paraît pas très compliqué. Mais voilà, on va avoir, en fait, cette espèce de transition à l'heure actuelle. C'est qu'au lieu d'avoir tous nos œufs dans le même panier, où on gérait de la même façon des bases à plusieurs... enfin, très très grosses et des bases pour un petit projet, là, on aura vraiment une différenciation des choses. Et je pense, bah, pour le coup, c'est vraiment le rôle du DevOps, c'est de... Il va y avoir un shift culturel, et je pense qu'il y a quand même des gens qui feront pas le shift, donc les deux... Enfin, la stratégie de passer par un orchestrateur et la stratégie de ne pas y passer vont cohabiter pendant... Ah, mais comme aujourd'hui, les gens veulent toujours pas faire du cloud. Ouais. C'est toujours cette logique-là, en fait. Je pense qu'on aura toujours ces gens qui sont perdus. Mais là, à l'heure actuelle, vu l'importance qu'a pris Kube, ça va être compliqué pour pas mal de projets de pas y passer. Mais comme tu dis, il y a des efforts à faire des deux côtés, au final. Aussi bien du côté de Kube pour avoir peut-être plus de primitives, pour gérer plus de cas d'usage. Aussi, et du côté des projets qui veulent se mettre sur Kube pour qu'ils utilisent ces primitives. Je pense pas, parce que justement, le but vraiment de Kube, c'est d'avoir un projet dit dogmatique, c'est-à-dire vraiment d'avoir quelque chose qui fonctionne et de ne pas faire vraiment de transigeance là-dessus, d'avoir des primitives fortes et après, t'y passes ou t'y passes pas. Après, il n'y a pas d'obligation là-dedans, mais si les autres ont réussi à y passer, il y a peu de chances que tu n'y arrives pas. On peut rappeler quand même que Kubernetes, c'est le premier projet open source. Kubernetes est celui qui drive. Mais celui qui a la plus grosse communauté. La plus grosse communauté aujourd'hui. Le premier projet open source. Ouais. Sur GitHub. C'est sur ça. GitHub. Super. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que de toute façon, ça reviendra. On le voit là que c'est un projet qui prend de l'importance. Donc, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres émissions. Maintenant, on va passer à un sujet SLA qui ressemble un peu au final un peu à ce que j'ai dit, puisqu'il y a la notion d'API, etc. Mais on va laisser Victor en parler. Et avant ça, je vais te poser une petite question. Vas-y. On a avec nous le Trivial Pursuit édition DevOps. alors, que signifie l'acronyme anglais JIT? J-I-T. Ah merde, à la question à la con. J'utilise tellement que j'avoue que je m'en souviens pas. C'est Just in Time? Just in Time, exactement. Je pensais à Git. Oui. Non, Git, non. Pour le coup, t'as dit JIT dans ma tête, je sais pas pourquoi ça s'appelait GIT. Oh, merde, ça veut dire quelque chose. C'est chiant d'avoir des acronymes. J'ai toujours à préparer. C'est là, en Java, non? Voilà. Bah, pas en Java, en JavaScript aussi, tu l'as. Ou en même, pas en fail langage. Bon. Alors, donc, Victor, on te laisse la parole pour nous présenter un peu SLA et comme ça, après, on pourra en débattre. Ok. C'est parti. Alors, fermez les yeux et souvenez-vous. Souvenez-vous de cette époque où le monitoring était l'affaire des sysadmins et la dernière chose à laquelle on pensait lors de la mise en place d'un nouveau projet. On se disait alors qu'il suffisait, comme à chaque fois, de mettre en place des checks sur le CPU, la mémoire, le disque ou tout autre composant du ou des serveurs sur lesquels tourne notre application pour savoir quand il fallait agir. En cas de dépassement d'un seuil fixé à l'avance par un gros doigt bien mouillé sur ce bon vieux Nagios, ou Nagios, on alertait alors notre cher admin d'astreinte qui se ferait certainement une joie de se connecter en SSH ou en remote console à 2h du mat sur un serveur pour lancer un htop, parser des logs à base de greffe et tenter de trouver une réponse à la question « Mais pourquoi mon serveur est-il monté à 80% de CPU alors que d'habitude il n'est qu'à 60% ?» Une fois le problème résolu, qui consiste en général à faire un service restart, notre ami préféré pouvait alors se rendormir et retourner à ses doux rêves de serveur avec 10 000 cores et 50 Tera de RAM. Mais pendant tout ce temps, le service rendu était-il réellement impacté? A-t-on vraiment perdu de l'argent parce qu'une seule instance est partie en vrille? Entre alors en scène le concept de SLA, pour Service Level Agreement, ou littéralement contrat de niveau de service. Ce contrat est un accord, formel ou informel, passé entre des fournisseurs de services et un client, s'agissant d'équipes dans la même entreprise, ou bien d'une relation commerciale. Dans un SLA, on ne se préoccupe plus de la métrique individuelle et obscure que peut représenter, par exemple, un pourcentage d'utilisation CPU ou d'occupation de RAM pour juger la qualité du service rendu. Non, au lieu de cela, on va faire en sorte de refléter le ressenti côté client, et on va donc mesurer l'expérience utilisateur. Retenez bien, expérience utilisateur. Pour bien définir un SLA, il faut essentiellement des indicateurs et des objectifs. On parlera alors de SLI et SLO pour Service Level Indicators et Service Level Objectives. Commençons donc par les indicateurs. Ceux-ci dépendent du type de service rendu et peuvent lui être entièrement spécifiques tant que cela reste pertinent. Pour bien les choisir, demandez-vous et mettez-vous d'accord avec votre client, encore une fois client interne ou externe, en fonction du type de relation, sur ce qui est important pour eux, car des indicateurs choisis arbitrairement n'auraient aucune valeur s'ils ne peuvent être compris ou transposés au cas concret. De façon générale, il est préférable de les mesurer au plus proche du client, en développant par exemple une sonde qui génère du trafic similaire à celui-ci, à celui que génère le client, et qui serait physiquement installé, de préférence, à un endroit où l'on sait que le chemin emprunté jusqu'à la destination serait le plus proche possible de la réalité. Encore une fois, pour être capable de juger de l'expérience utilisateur. Prenons un cas simple, et supposons que votre équipe fournit une API REST. Des indicateurs typiques seraient par exemple le temps de réponse et la disponibilité, que vous mesureriez en permanence au travers d'un bout de code tournant sur un serveur installé à côté du client. En fonction des cas, il est aussi possible de construire l'application rendant le service afin qu'elle expose directement un certain nombre de métriques sur un chemin spécifique et que l'on pourra utiliser à des fins de mesure. On parlera alors de white box monitoring, contrairement au black box monitoring qui implique que l'on n'a pas la possibilité de modifier l'application pour faire ça. Une fois que les indicateurs sont définis, il faut maintenant des objectifs. Ces objectifs doivent être impérativement définis en accord avec le client, encore une fois, c'est un contrat, et sont théoriquement propres à chacun d'entre eux, car un client X n'aura pas nécessairement les mêmes attentes qu'un client Y pour un même service rendu. Toujours dans notre exemple d'API REST, on pourrait dire que le client X attend par exemple une latence au 99e pourcentile de 10 millisecondes et une disponibilité mensuelle de 95%, alors que le client Y, qui lui est plus exigeant, attend une latence au 99e pourcentile de 5 millisecondes et une disponibilité mensuelle de 99,9%. Au passage, de telles différences d'exigences pourraient justifier différentes infrastructures pour y faire face. Mais au fait, c'est bien beau tout ça. Mais qu'advient-il alors de nos checks sur la mémoire, le disque, le CPU que notre admin affectionne tant à 2h du mat? Rien n'empêche de les conserver. Mais il est plus nécessaire de générer des alertes basées sur ces métriques isolées et bien trop souvent dénuées de sens. On alertera plutôt alors sur le dépassement des SLO qui ont été définis avec un peu de chance. Sur le dépassement des SLO qui ont été définis, et avec un peu de chance, on révélera moins souvent ces pauvres petits admins qui ne demandent qu'à dormir sur leurs deux oreilles. Maintenant que les indicateurs et les objectifs ont été mis en place, compris et acceptés par toutes les parties, il faut les formaliser dans un document qui sera donc notre SLA. Ce document peut prévoir des dispositions en cas de dépassement des objectifs définis, que l'on qualifie de violation de contrat établi. Il peut s'agir par exemple de pénalités financières si on est dans le cadre d'une relation commerciale, ou bien d'une obligation de corriger, stabiliser le service au détriment de l'introduction de nouvelles fonctionnalités, et ce tant que l'on n'a pas l'assurance de la non-réoccurrence du problème, du ou des problèmes. En fait, puisque c'est un contrat établi et tant que les parties en jeu sont d'accord, les dispositions à prendre dans de tels cas restent à leur entière liberté. Tout ça, c'est qu'une introduction générale au concept des SLA, SLI, SLO, et plein d'acronymes, et nombre de bonnes pratiques et d'outils sont aujourd'hui disponibles pour répondre à ce besoin de monitoring orienté business, notez bien orienté business, et qualité de service rendu. Super. Super bien. Une présentation large. Super. Alors moi déjà, j'ai une question. Enfin, en fait, en ayant un peu recherché le principe des SLA, on s'aperçoit que c'est un principe fort de ITIL. Et bon, on m'a toujours dit que ITIL, c'était caca. Enfin... Alors, j'avoue ne pas du tout être familier avec ITIL, n'ayant jamais travaillé dans une boîte qui avait ce... En tout cas, qui intégrait ces pratiques-là. De ce que... Alors, je sais pas si je suis capable de répondre correctement à la question, mais peut-être quelqu'un d'autre a une réponse, mais... Alors, moi, j'ai rien en particulier sur Ethyl, si ce n'est que j'ai jamais vu une entreprise qui l'implémentait de la même manière qu'une autre. Donc, voilà, c'est des bonnes pratiques, et au final, ça ressemble assez peu d'une entreprise à l'autre. Mais la notion de SLA, en tout cas, est super intéressante, et moi, j'y suis très très favorable pour justement avoir été ce sysadmin qui se faisait réveiller à 2-3 heures du matin et qui comprenait pas pourquoi la RAM était éclatée ou le CPU. Mais c'est vrai que j'ai justement plus un retour d'expérience à offrir plutôt que des questions, en l'occurrence. J'ai commencé à implémenter justement la notion de SLA pour superviser des microservices qu'on avait mis en pratique où je travaillais précédemment. Et justement, c'est quelque chose qui a vraiment facilité l'échange et la communication entre l'équipe des développeurs et des administrateurs système, des opérations. Parce que justement, ça responsabilisait beaucoup plus les développeurs. C'était eux qui concevaient les indicateurs, donc les fameux indicateurs. C'était les ops qui implémentaient les mesures, le calcul des performances et les remontées d'erreurs, ce genre de choses. Et au final, les deux équipes regardaient et analyser les résultats ensemble. Et c'était vraiment très très beau à voir. En tout cas, j'ai pas eu l'occasion de l'implémenter jusqu'au bout, mais les débuts étaient assez prometteurs. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et comme tu dis, ouais, c'est comme tu dis, effectivement, ça. D'ailleurs, c'est bien, c'est pas mal parce que ça s'inscrit dans ma définition du DevOps. Et je trouve que le SLA, ça marche très bien dans la culture DevOps, et que ça, effectivement, ça renforce d'autant plus la collaboration que ça force entre guillemets les équipes à travailler ensemble pour d'une part avoir un service plus stable, et d'autre part être capable d'analyser les problèmes en ayant des métriques qui veulent dire quelque chose, et pas juste un CPU qui dépasse un seuil fixe ou la RAM qui dépasse un même seuil fixe. Moi, pour revenir à la comparaison qu'on a faite au niveau de l'ITIL, je pense que même si le SLA il existe depuis les années 90 niveau ITIL, il y a une distinction il y a une répercussion qui est faite à notre niveau, au niveau de l'ingénieur, au niveau de l'opérateur, qui n'existait pas avant. Et avant, le SLA était un accord bien plus business, alors que maintenant, tel qu'on le conçoit et tel qu'on le décrit, le SLA est un indicateur bien plus technique. Et voilà, je pense que la différence, elle est là. Si je devais donner une différence, pour moi, ça serait plutôt celle-là. Il y a même un troisième acteur, si je peux me permettre, qu'on n'a pas cité dans ce sujet-là, c'est la QA, qui peut être généralement, et en tout cas c'était mon cas, peut être impliqué justement dans le process d'établir le SLA, ou du moins l'enforcer et le faire appliquer. C'est justement, en fait, c'est la notion de qualité, et donc de qualité de service en l'occurrence, qui est un petit peu illustrée dans ce genre de choses. Et ça peut être pas mal justement d'avoir une équipe qui est un peu tierce entre les devs et les ops, pour justement faire un peu arbitre et pour pouvoir contribuer soit en indicateur, soit un petit peu en analyse de ces SLA. Je pense que là, en fait, c'est vraiment la notion de confiance, en fait. Enfin, pour reprendre un peu tes deux interventions, c'est que, au final, donc, vous avez créé une confiance entre dev et ops via un contrat. Et souvent, les contrats, il faut un tiers de confiance, dans la rédaction. C'est un notaire, par exemple, ou ça va être des choses comme ça quand on fait un contrat pour, de mariage. Bien immobilier, par exemple. Mm-hmm. Et en fait, il y a souvent besoin d'un tiers de confiance. Et oui, la QA peut donc être cet intermédiaire-là. Donc, toi, Marc, c'est ça que tu confies, tu conseillerais, en fait, pour justement, moi, là, j'allais me faire un peu l'avocat du diable, c'est qu'est-ce qu'on fait quand la SLA n'est pas respectée? Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une équipe interne, quand une autre équipe ne respecte pas les prérequis qu'on avait dit au début? J'imagine que ça doit être justement stipulé dans le fameux contrat, dans le fameux SLA. Qu'est-ce qu'on fait quand les termes du contrat ne sont pas respectés, que le temps de réponse est supérieur à ce qui a été établi, ou qu'il y a le seuil d'erreur qui apparaît est trop élevé. Qu'est-ce qu'on fait? Là, comme le disait Barthélémy, c'est vrai que par le passé, les SLA, ça avait vraiment une connotation très business, où il y avait la notion de pénalité financière. On n'a pas tendance à se facturer et à se lancer dans des guerres juridiques entre services, du moins en tout cas dans les entreprises dans lesquelles on travaille aujourd'hui. C'est juste c'est là qu'on en approche plus à la collaboration et à faire en sorte de régler le problème. Et ça pourrait, en effet, comme le disait Victor, ça pourrait passer par le fait de ralentir un petit peu la cadence en termes d'implémentation de fonctionnalités pour pouvoir stabiliser un service qui, justement, commence à se dégrader en termes de qualité, de temps de réponse, en qualité de service, justement, pour arriver à stabiliser ces problèmes. Et Victor, qu'est-ce que tu ferais? Parce qu'un contrat, ça évolue, et notamment une API ou n'importe quoi. Comment tu préconiserais justement l'évolution? Enfin, quelles sont les bonnes pratiques à ce niveau-là? Parce que on sait que rien n'est figé dans le marbre. Ouais, ouais, alors effectivement, je parle de contrat, mais je crois que je l'ai dit, ça peut être, je sais plus si j'ai dit, ça peut être, en tout cas, ça peut être formel ou informel. À mon sens, d'ailleurs, tant que c'est pas, je pense, tant que c'est pas directement lié au business ou que c'est pas une relation commerciale, je pense que c'est préférable d'avoir un truc informel histoire que ce soit un peu ça, plus ça flexible. Peut être écrit, mais ça pas peut, oui, voilà, ça peut être écrit, mais c'est pas obligé que ce soit signé de son sang, quoi. C'est ça. À mon sens, si on parle, en tout cas, j'ai parlé d'indicateurs, par exemple sur les indicateurs, il faut voilà, il faut être capable de pouvoir les de pouvoir itérer dessus, de faire évoluer aussi, enfin aussi bien les indicateurs que les objectifs pour répondre aux besoins qui peut évoluer de la part du client ou au service rendu qui peut lui aussi évoluer. Ça pourrait être versionné comme on versionne une API, par exemple. C'est une façon de procéder où la version du service, à chaque fois, en profiter pour réviser les termes du SLA liés au service. Voilà. En tout cas, c'est pas parce qu'on définit ce contrat à un moment donné qu'on peut pas réviser les termes quand il y a besoin. Parce que les besoins ont évolué ou parce qu'il faut le faire tout simplement. D'accord, super, je pense que... Ouais, on est bon. Qu'on est bon. C'est très bon. Alors, on va passer maintenant à « Doit-on tout automatiser ?» Donc c'est Marc qui va nous en parler, et avant ça, je vais lui poser une petite question encore du Trivial Pursuit édition DevOps que nous a fourni Automic. Alors, dans quel langage de programmation est écrit Jenkins ? Java. Ouais, on peut mettre quoi aussi dedans ? Scala, non ? Du Groovy, oui, d'accord. Voilà, des plugins sont pas mal de Spike. Groovy. Bon, qui est un subset de, enfin, oui, sur. C'est un DSL enfin, sur un. Enfin voilà. En tout cas, c'est un langage de scripting au-dessus de Java. Ok. Donc voilà. Donc Marc, doit-on tout automatiser avec un point d'interrogation? C'est ça. Mon sujet aujourd'hui est une question. Doit-on tout automatiser? Alors, par le passé, dans l'informatique, et on pourrait même d'ailleurs revenir aux fondamentaux, l'informatique, c'est le principe, c'est l'automatisation. L'automatisation, l'algorithmique, le traitement automatisé de l'information. En partant de là, on a depuis quelques années commencé à automatiser pas mal de choses dans l'informatique, à commencer par le déploiement de configurations. Donc c'est un petit peu ce qui a, entre guillemets, propulsé le mouvement DevOps. C'est parti en partie de là. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, je pense, maîtrisé. Il y a des outils qui sont sortis, qui font un petit peu office de standard. Donc on pense à ces fameux Puppet, Chef, Ansible, Salt et compagnie. Donc on peut établir aujourd'hui que le déploiement, l'automatisation du déploiement de configuration, c'est réglé. Il n'y a plus grand-chose à révolutionner ou à établir à ce niveau-là. Pour le déploiement d'applications, donc du coup aujourd'hui, les applications qui sont écrites par les développeurs, il y a encore des choses à dire et à faire, mais globalement, ça va à peu près en voie de stabilisation. Donc, on parle notamment de chaînes d'intégration de déploiement continu avec CI/CD. On parlait de Jenkins il y a quelques instants. Voilà. Il y a aujourd'hui des choses qui se dessinent, mais globalement, on voit à peu près la direction dans laquelle il faut aller. Notamment aussi quand on parle de conteneurs. Donc, du coup, on parle de développement aussi. J'en parlais dans ma précédente chronique, au précédent numéro avec les méthodes de déploiement Blue-Green. L'automatisation de la mise à jour d'application est en voie d'être à peu près établie et stabilisée aussi. Un peu plus loin, on parle maintenant aujourd'hui d'automatisation de déploiement d'infrastructures. Donc ça, c'est encore à peu près un terrain mouvant. Il y a des outils qui sont en train d'établir un standard tel que Terraform aujourd'hui. Certains outils de gestion de configuration comme Ansible et Chef sont capables aussi de manipuler et d'automatiser la création d'infrastructures. C'est encore un peu moins sec que pour le déploiement de configuration, mais ça va encore, là, une fois, dans le bon sens. Donc on pourrait se dire, on a tout automatisé dans l'informatique. Mais est-ce qu'on devrait vraiment tout automatiser dans l'informatique? Est-ce que les bascules de bases de données, donc dans le cas où on n'a pas affaire à des clusters de bases de données qui sont capables de gérer ce genre de choses, les bascules de trafic réseau, est-ce que tout est vraiment réellement automatisable? Je vous pose la question. Très bonne introduction. Moi, je vais rebondir directement. À mon avis, on a à peu près les mêmes exemples en tête. Mais j'en te pose un. Est-ce que tu as un exemple, justement, d'automatisation qui a bien foiré? C'était justement la question que je comptais vous poser un peu plus tard. Alors, moi, j'ai eu affaire, il y a quelques années, à un système de bascule de base de données MySQL. Donc il y avait là ce qu'il appelle un master et un slave qui fonctionnaient par paire, et il y avait un système, un petit système embarqué qui était capable de détecter si le master était KO pour basculer automatiquement les écritures en modifiant un enregistrement DNS sur le secondaire, sur le slave. Et il y a eu une fois un petit incident réseau où le heartbeat entre les deux machines avait cessé de fonctionner, mais les deux machines fonctionnaient toujours bien, et ce problème apparaissait par intermittence, et donc on avait des bascules régulières entre le master et le slave qui pour le coup avaient bien corrompu les données. Même si la réplication était master-slave entre les deux, on avait observé des incohérences de données entre les deux serveurs. Donc pour moi, ça c'est typiquement le cas que je n'aurais tendance à ne pas automatiser. Donc c'est vraiment un avis très personnel. Tout ce qui a rapport aux bases de données, je suis assez frileux sur cette question-là, parce que à cause de cette mauvaise expérience. Voilà. Je pense déjà c'est une expérience justifiée, puisqu'on se souvient l'expérience de GitHub qui avait eu exactement le même problème. C'est une bascule de base de données d'un master à un autre qui a corrompu complètement, enfin en fait fait en sorte que les bases de données se sont splittées et ont vécu leur vie. Les fameux split brain. Voilà, c'est vrai qui a raison et qui a tort, et c'est assez généralement assez douloureux. Voilà. Et c'est vrai que normalement il y a des technologies qui permettent de le gérer, mais qui sont aussi extrêmement compliquées, donc elles-mêmes étant compliquées, étant sensibles à une faillite. C'est ça. Il y a un autre, je ne sais pas si vous avez des expériences vécues des... C'est marrant que tu parles de cet exemple de base de données, parce que justement je parlais de la même chose il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un que je connais bien, un DBA que je connais bien, et qui m'a justement parlé de ça, du fait que dans le monde des admins de base de données, donc les DBA quoi, les bons vieux barbus de la base de données, il y a cette peur effectivement de l'automatisation de ce genre d'opération de bascule de base de données, entre autres. Et du coup, les pratiques restent assez, entre guillemets, à l'ancienne, où on a plus tendance à avoir confiance en l'opérateur manuel qu'en la machine. Il y a une procédure à suivre. Il y a une procédure à suivre, etc. Et ça soulève la discussion, au final. Est-ce que le problème, c'est le fait de... d'avoir ces procédures manuelles qui sont fastidieuses et qui sont potentiellement source d'erreurs, parce que quand c'est un opérateur manuel, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la procédure sera moins bien appliquée que si c'était une machine qui l'avait. Il peut y avoir un risque d'erreur humaine. Est-ce que le problème finalement le système de détection de panne, voilà, potentiellement qui déclenche l'ordre automatisé de bascule d'une base sur une autre. Là en fait ça soulève même plusieurs points en fait. Je pense que ça rejoint un peu la première discussion qu'on a eue au début, c'était comment on mettait des nouveaux logiciels sur Cube, et je pense qu'en fait là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire est-ce qu'on peut automatiser quelque chose qui n'est pas automatisable. C'est plutôt ça à mon sens le sujet, qui est dans le cas des bases de données dites anciennes, la plupart des commandes sont pas immutables, elles sont pas idempotentes, c'est-à-dire que les commandes, il faut les jouer dans un certain ordre, dans un certain rôle. Il y a une notion même de partage des fois qu'il faut faire. Une commande doit être appliquée sur un nœud, et en fait le token généré ou la ligne de configuration générée doit être appliquée après sur d'autres. Et ça, pour un outil d'automatisation, c'est extrêmement compliqué. Et je pense en fait c'est plutôt ça, c'est qu'à l'heure actuelle en fait les logiciels qu'on avait étaient très human-centric, dédié à l'humain et fait pour un être humain, alors que maintenant on est obligé d'avoir des logiciels qui soient faits pour un système d'automatisation, d'orchestration, etc. Et je pense que c'est plutôt ça en fait, dans un tout automatisé, c'est plutôt est-ce que tout est automatisable, et c'est plutôt ça en fait. Je pense qu'il y a certaines choses qui quand elles n'ont pas été conçues pour doivent avoir un certain niveau. Et après, deuxième point, désolé, vous pourrez répondre après ces deux parties. Deuxième point que tu disais, pendant que je l'ai encore en tête. Il s'est perdu. En fait, non. Bon, voilà, déjà ce point-là. Je vais juste rebondir. En fait, ça rejoint la thématique qu'on a eue l'émission précédente sur les outils. Les outils qui étaient faits par l'homme pour l'homme, et c'est à d'autres outils qu'il fallait inventer qui étaient faits pour la machine, destiné à la machine, et les deux n'avaient pas le même usage, n'avaient pas le même objectif, et ne fonctionnaient justement, enfin juste pas de la même manière. Et je pense que c'est un peu l'idée qui est derrière ton propos. C'est vrai. Deuxième point que moi aussi je pense que j'ai oublié dans la foulée. voilà. Que j'aille sur le bien. Ouais, bah tiens, vas-y. En fait, tu disais juste avant que les êtres humains étaient sensibles à la faillite, en fait, à ne pas respecter bien une procédure. En fait, enfin, d'expérience, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est-à-dire que souvent, les êtres humains sont, oui, plus faillibles, mais plus sensibles à détecter leur propre erreur. Alors que les outils automatiques, ils en sont complètement incapables. Les outils automatiques en sont complètement incapables. Bah, c'est-à-dire qu'elles peuvent faire des choses, et quand elles le font mal, elles le font à des proportions mais démesurées. Bah, ils font juste ce que tu leur dis de faire. Donc. Oui, mais. Non, enfin, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, après, il y a un système qui est que c'est le système en lui-même qui a sa propre complexité et sa propre façon d'analyser les problèmes. C'est-à-dire que même au-delà de ce que tu lui dis de faire, il y a une corrélation des événements qui se passent uniquement dans le logiciel. Enfin, pour connaître un peu Chef, on a des systèmes de notification interne entre les différents événements avec des briques de if, etc. Oui, tout ce code-là a été écrit par un être humain. Mais ce qui se passe en règle générale sur la machine, justement, le but de l'automatisation, c'est que ça se passe sans intervention de l'être humain, avec une certaine logique parfaite qui après s'appliquait. Et en fait, bah très souvent, enfin, via des cas compliqués et via des bases compliquées, ces choses-là peuvent bien foirer. Marc, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, c'est en fait, l'humain, il est hyper malléable, il est hyper flexible, il peut s'adapter à toutes les situations et il peut réagir au quart de tour en utilisant son intelligence, son expérience. La machine ne peut pas le faire. Donc je pense que se reposer sur cette malléabilité, d'une certaine manière, c'est pas mauvais, et on doit, peut-être pas de manière hyper récurrente, mais on doit se reposer sur cette capacité humaine qui est de s'adapter hyper efficacement dans notre travail. Enfin, ce serait idiot de pas le faire, donc peut-être que c'est, pour moi, la réponse serait non, il faut pas tout automatiser, et des fois, faut juste faire travailler les hommes. Alors certes, ça peut être répétitif, ça peut être chiant, il y a des opérations qui vont être pénibles, mais on a une capacité que n'a pas la machine. Ça c'est qu'on est automatisé partiellement, en fait. Exactement. Voilà, une procédure à faire manuellement n'a pas être vocation à être forcément 100% manuel. On peut automatiser certaines parties. Ouais. Ça, c'est alors peut-être de la récurrence de l'intervention à faire, en fait. Tu disais tout à l'heure des tâches récurrentes et pénibles, etc. Ça, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut automatiser. Exactement. C'était une de mes sous-questions. À partir de quand on automatise, c'est ça. S'il y a certaines tâches administratives qui se produisent, par exemple, tous les 2-3 mois, qui sont réellement très similaires, mais pas forcément automatisables facilement, est-ce que ça vaut le coup vraiment de se prendre la tête à automatiser quelque chose qui est certes un peu pénible à faire pendant quelques minutes, ou justement se lancer potentiellement dans des jours-hommes de développement Bart a une expérience là-dessus avec des clés USB. Des clés USB ? Qu'est-ce que j'ai fait avec des clés USB ? Alors, en fait, tu avais reçu des clés USB qui étaient corrompues, et vous posiez la question de savoir est-ce qu'il valait mieux renvoyer les clés, ou avoir tout un processus compliqué d'itération pour... parce qu'en fait, pas corrompu, il manquait un fichier sur tes clés USB, qui étaient des clés USB de commerciales, et vous étiez posé la question de savoir est-ce que vous rentriez dans un processus compliqué d'automatisation, d'ajout des fichiers sur toutes les clés USB, ou il valait pas mieux, brancher avec le USB, drag and drop le fichier, etc., etc. Enfin, peut-être. Je me souviens. Ton manager avait fait le calcul simple, un calcul de combien de temps ça va me coûter entre guillemets à automatiser, combien de temps là de manière ponctuelle vous allez le faire, et le rapport était quasiment de 10. C'est ça, mais il y a un vieil adage qui dit que, par exemple, les sysadmins sont, feignants, et ont tendance à tout automatiser à partir de la deuxième fois où ils ont à faire quelque chose qu'ils ont déjà fait une première fois, ils vont avoir tendance à l'automatiser. Mais personnellement, j'ai déjà été confronté à des cas où tu fais juste des choses deux fois, en fait. Et la deuxième fois, le temps que t'auras perdu à essayer d'automatiser quelque chose, deux fois tu l'as vraiment perdu. Deux fois ou deux fois dans l'année, et du coup, c'est ça. Il y a vraiment des cas où ça vaut pas le coup. Vraiment humainement ou financièrement d'automatiser certaines choses, sans parler d'erreurs et d'incidents. L'exemple typique, c'est en ce moment, je suis en train de faire des reporting sur de la capacité. Tu le fais une fois dans l'année. Est-ce qu'on l'automatise ? Est-ce qu'on l'automatise pas ? Et j'ai pris le choix de pas vraiment l'automatiser, mais de l'assister, c'est-à-dire de faire quelque chose et que je le copie-colle. Partiellement automatiser. C'est ça. Ouais, ça peut être une solution. Donc la réponse, l'automatisation enlève aussi, enfin obscurcit un peu la chose. C'est-à-dire que là, tu disais, enfin la deuxième fois ou même la troisième fois, combien si c'est dans un an, comment elle marche l'automatisation. Est-ce que toi, seras encore là pour la faire tourner? Est-ce que c'est toi qui... des techniques de l'automatisation c'est que tu n'utilises jamais. C'est une très bonne observation. C'est quelque chose qui marche tellement bien, qui est tellement bien automatisé que lorsque tu dois un jour le débugger ou l'expliquer à quelqu'un qui arrive des années plus tard, personne ne sait comment ça fonctionne en pratique. L'automagique. C'est l'automagique. Sinon, rendez-vous dans 10-15 ans et puis on verra ce que ça donne une bonne IA. Hein. Oui, voilà. L'IA, pour le coup, pourrait résoudre en partie ce type de choses. Là, si elle les a pas tous tués d'ici là, elle leur a automatisé la fin du monde. Ce sera encore un autre débat sur les IA. Ah, moi, je me dis. Alors, donc maintenant, on va passer à la dernière partie que va nous présenter Barthélémy, qui est donc sur le risque. Mais avant ça, je vais d'abord te poser une petite question. Allez, vas-y. Alors, selon Puppet Labs, en 2013, dans l'état du DevOps, quels sont les outils les plus importants d'un projet DevOps? En 2013, certainement, les outils les plus importants. En 2013, valide. À 84%. Hein. C'est-à-dire, dans l'enquête, les gens disent que c'est ces outils-là qui sont les plus importants. Je sais pas, du bug tracking? Presque. Puppet. Non, les outils de gestion de version. Ah, ouais, en 2013. Faut peut-être aussi replacer un peu dans son contexte. En 2013, on est en pleine fin de guerre où Git commence à gagner allègrement sur tous les autres. Et voilà. Pour remettre un peu dans un contexte historique. C'était il y a longtemps. Ok. Donc, Bart, le risque. Le risque du DevOps, le risque en général. Voilà. Donc, c'est ma mission d'aujourd'hui. Je vais vous présenter ma vision du risque. Ce bon vieux jeu de 1957 créé par un Français, attention, instant cocorico. De par son sujet, il met en exergue l'étendue et la complexité du monde au travers d'incessants conflits armés. La logistique est ici primordiale, car elle... Bart, je crois que tu t'es planté. C'est pas vraiment de ce risque-là qu'on parle. Ah mais non. Non, je me serais planté de fiche. Alors, je vérifie. Ah, j'avais pourtant parlé de l'importance de l'archipel indonésien, des faibles connexions entre l'Amérique du Sud et le reste du monde, ainsi que de l'insularisme gagnant de Madagascar. Enfin quoi, toutes mes stratégies gagnantes. Bon, je reprends. Le risque, ok. Bon, allez, un petit préambule nécessaire, hein. Je voudrais dire à tous que je ne suis absolument pas un spécialiste du risque IT. Je pense que si on analyse a posteriori ce que je vais pouvoir dire, on trouvera certainement une infinité de défauts et d'écarts par rapport aux textes de référence dans le domaine. Cela dit, j'ai aussi mon avis, Callahan, et je compte bien vous en faire profiter. Donc... je vais pas vous faire un cours sur la gestion du risque d'un projet IT, sur l'ISO 27005 ou 9000, le COBIT, le SMSI, le PDCA et toutes les contraintes légales type SOX. Non, ça m'intéresse pas et puis il se trouve qu'il y en a d'autres qui en parlent bien mieux que moi. S'il existe autant de textes régissant et encadrant la sécurité dans nos métiers, c'est parce que nous héritons d'une technologie issue à la fois du secteur militaire et de très gros industriels stratégiques. Dans ce type d'activité critique, il est compréhensible qu'il soit nécessaire d'assurer et de garantir la préservation de certains assets dans ACT. Moi, c'est plutôt l'échelle microscopique qui m'intéresse, celle qui nous concerne au quotidien et qui n'est pas toujours dictée par des règles de bouquins poussiéreux. En cela, j'ai retenu quelques cas de figure intéressants que je vais balayer rapidement avant de commencer un tour de table, avant que tout le monde s'endorme. Moi, DevOps, co-responsable du cycle de vie et de la bonne marche de mon service, quels sont les risques les plus fréquents auxquels je peux m'attendre? Pour faire ce petit état des lieux, j'ai trouvé intéressant de projeter ces mêmes risques sur le modèle CAMS. Donc on rappelle, CAMS, c'est Culture Automation, Measure and Share, qui sont les piliers du DevOps, et ça va permettre de trouver une réponse adéquate et compatible DevOps. Voilà. Donc, on va essayer de balayer quelques exemples et on continuera tous ensemble. Donc, le fameux « on ne touche pas quand ça marche ». Pour moi, c'est un problème de culture. Qu'est-ce qui est si bien dans la solution actuelle pour que ça ne mérite pas d'être changé? Réflexion. Je pense que les paradigmes passés existent pour être légitimement remis en question à l'aune de nos pratiques et de nos besoins modernes. Autre dicton qu'on entend régulièrement, c'est la 10e fois que notre service est impacté par ce problème. On l'a tous eu, on l'a encore, je regarde mon collègue à ma droite. C'est un problème d'automatisation. Quoi qu'il advienne, quelle que soit la manière, vous devez impérativement vous empêcher de refaire plusieurs fois la même chose. Ça rejoint un petit peu notre débat précédent. Vous devez, il faut le faire le maximum humainement possible, tout en se gardant une certaine latitude d'action malgré tout. S'il faut, on réunit tous les intervenants du sujet autour d'une table et on règle ça. Il faut pas rester dans des situations où on a toujours les mêmes problèmes. Autre phrase. Tu bosses un peu trop avec une autre équipe, ça fait pas avancer le backlog. C'est un problème de sharing, partage. Mes compétences, mon expérience sont utiles ailleurs et elles font gagner du temps à des personnes. C'est un bénéfice pour tout le monde. On silote déjà les produits, on va pas en plus siloter les gens. C'est trop compliqué, on va commencer par plus petit. Alors, c'est discutable, mais pour moi c'est un problème de mesure. Il faut donner de la confiance, on en a parlé, et il faut donner de la visibilité. On va comparer les choses, on va fixer un cap, et on va le faire sans compromis, mais avec de l'empathie. C'est-à-dire que des gens, ils craignent le changement, et pour eux ça représente un risque. On va essayer de le mitiger en donnant une visibilité et en débroussaillant le gros brouillard qui se trouve en face de nous. On le fait avec de la mesure. Il y a trop de dépendance avec d'autres équipes, c'est trop compliqué, on arrête, on le fait pas, on fait autre chose. Ou on se contente de ce qu'on fait déjà. Alors ça, c'est un problème qui est très complexe pour moi, j'ai pas réussi à le catégoriser. C'est un peu de tout. C'est illusoire pour moi de vouloir casser l'intégralité des dépendances, qu'elles soient internes ou externes, car c'est aussi la force d'une entreprise. C'est ces personnes qui se travaillent ensemble, qui travaillent autour de différents produits, différentes offres, différents services, et il est possible d'aller voir les personnes, de discuter avec elles et de faire évoluer ces services assez rapidement, plus rapidement que si on travaillait avec Amazon ou avec d'autres services. Voilà, ça va impacter nos performances, c'est aussi un problème de mesure. Qu'est-ce que c'est la performance pour nous, service provider? Qu'est-ce que c'est que la performance pour nos clients? Il faut être conscient que c'est pas forcément, on parle pas forcément de la même chose. Comment savoir à l'avance le résultat et l'impact de business sans l'avoir testé? Donc il faut tester. Avant-dernier point, je crois. C'est comme ça qu'on fait ici, il faut s'adapter et il faut utiliser l'outil officiel. C'est un problème aussi de culture et de partage. L'homogénéité à tout prix est un fléau. Il faut et réduire les risques en forçant un outil unique n'a jamais rendu cet outil de meilleure qualité. En revanche, ça réduit dramatiquement sa vélocité d'évolution et sa capacité à convenir à tout le monde en même temps. Faut donc briser ces dogmes et ramener savoir-faire et le bon sens au centre de l'équation. Et non, c'est celui dont je continue, hein, j'en avais quelques-uns des points. Il faut prouver que c'est la bonne solution à l'extérieur de l'équipe, il faut convaincre. Alors, pour moi, et je pense que c'est un problème de culture DevOps également, les équipes sont responsables de A à Z de leur outil et de leur chaîne de production de valeur. Tant que les obligations de sécurité sont respectées, il paraît normal qu'une équipe unanime sur un sujet ou sur une question puisse choisir son propre destin. C'est un faux risque synthétique créé de toutes pièces pour ralentir les gêneurs. Et c'est la différence entre la confiance qu'on peut porter à des gens et l'application de bêtes instructions. C'est aussi la différence entre une communauté et un bataillon de soldats. Et dernier point, c'est le rôle de quelqu'un d'autre de faire ça. Tu n'as pas à t'en préoccuper. Tout le monde a le droit de prendre des risques. On n'a pas besoin d'une étiquette ou d'un badge. Je crois que j'ai dû dire quelque chose comme ça la fois dernière également. Et si on pense que notre idée peut apporter de la valeur ou de la performance, c'est notre métier et notre devoir que de tester et de valider cette hypothèse. Je pense que vous avez maintenant compris le principe. On va pouvoir discuter ensemble d'autres risques, peut-être des risques un peu plus classiques, tout en tâchant de les placer dans le contexte DevOps. Si vous êtes d'accord. Alors, je pense que tu l'as un peu dit déjà au début, en fait. C'est pour ça que je vais juste enchaîner et approuver. C'est que dans certains contextes, sans doute que les risques sont forts. On peut le voir l'aéronautique et encore, on en avait parlé la fois d'avant, le militaire, on pourrait les centrales, tout ce qui est énergie, etc. L'industrie. Et encore, pas toutes les industries. Encore. C'est je pense là en fait une mauvaise vue ou une vision biaisée peut-être de l'informatique qu'on a maintenant, c'est que quand on est un site web, les risques sont quand même faibles. Enfin, ceux qu'on va impacter ou les choses qui vont se passer sont quand même très très faibles. Et c'est peut-être pour ça en fait le problème, c'est la vision même de nous et de ce qu'on va pouvoir y faire. C'est-à-dire que si jamais demain des personnes veulent innover et faire un nouveau projet, les risques inhérents sont très faibles, en fait, initialement. La société a peu de chances de s'écrouler, sauf si vraiment on est dans une start-up qui n'a pas trouvé son business model. Mais dans ces cas-là, ce n'est encore pas le problème initial du risque qu'on va faire à ce moment-là. Et je pense, en fait, là-dessus, c'est vraiment un problème, oui, de culture ou même de vision des risques ou d'analyse des risques entre les différents acteurs qui est en problème. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ça se tient très bien. C'est pour ça que j'ai avec toi. Après, pour répondre à un de tes points aussi, j'essaie de te faire des signes très très grands pour que tu vois. Compris. C'est très compliqué. C'est dans le système que tu vas avoir d'interdépendance entre des équipes. En fait, on y a déjà répondu tout à l'heure. En fait, c'était notre deuxième point qui était les SLA. Et c'est peut-être ça, en fait, le manque. Quand tu parlais de confiance envers les autres équipes, c'est peut-être le manque de SLA. C'est ce point-là qu'on a. C'est le manque de formalisme, peut-être, ou de. De confiance, en fait, plus. En fait, c'est les SLA. On fait pas une confiance dans une SLA. On s'y tient. C'est contractuel. Oui, mais c'est... tu vas avoir une confiance justement dans l'autre équipe. Si elle a fait une SLA, c'est qu'elle est. Elle est capable de le. Elle est capable de, ou en tout cas, elle s'engage. Oui, capable de. Ouais, s'engage. Ouais. Ah. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est la notion de confiance et d'engagement qui est un problème. Et en fait, tu isoles quand les gens ont perdu la confiance. Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on avait vu quand on était allé au DevOps Rex. Ça permet de faire comme ça un petit placement produit. DevOps Rex qui s'est passé la semaine dernière. Et l'année dernière, quand on y était, quelqu'un avait parlé justement. De la communication et en fait du fait que les gens refaisaient dans leur coin à partir du moment où ne faisaient plus ou décidaient de faire de ne plus avoir de communication le jour où il y avait perte de confiance. Je pense que la confiance se répétait plusieurs fois et ça a l'air d'être le centre je pense, ouais. Donc au final, quand tu parles de risques dans le DevOps, c'est majoritairement des risques humains, si je comprends bien. J'ai voulu faire un listing et il se trouve que j'ai trouvé assez peu de risques techniques. Et même quand il y avait des risques techniques, au final, c'était des risques humains parce que justement, il n'y avait pas de confiance ou il y avait des a priori ou il y avait des dogmes. Et je pense que si on était très factuel, il y a quand même relativement de risques, peu de risques techniques. Alors, j'ai pas abordé les problématiques de sécurité, type authentification, type auditing, type obligation légale. Je pense qu'il y a tout un chapitre que je ne connais pas assez bien pour creuser avec vous, et qui a peut-être des réponses différentes. Cela dit, moi, si on s'en tient au DevOps, à la culture et à la mouvance DevOps, pour moi, il y a relativement peu de freins techniques. Ouais, c'est peut-être aussi lié au fait que, enfin, tous les gens qui sont autour de la table évoluent dans des milieux où il y a relativement peu de contraintes de sécurité ou de risques. Ce qu'a dit Guilhem juste avant, c'est-à-dire on travaille pas dans le nucléaire où si on foire, on risque de tout faire péter. Quoi. Oui, ou dans le bancaire où chaque milliseconde. Tu peux divulguer des données bancaires si jamais ton projet est foireux. Alors, enfin, je sais pas. Trompe-toi, moi, je suis dans deux projets justement là-dessus qui ont notamment un projet PCI DSS. Donc, je suis pas exactement dedans avec ça, mais justement, en fait, ça me permet de rebondir là-dessus. Ça me fait un peu penser à l'agile, en fait. C'est-à-dire que certaines personnes vont penser que l'agile c'est bien, mais quand il faut réaliser vite, et ben la méthode en V c'est mieux, d'avoir des plannings, d'avoir des projets, d'avoir des roadmaps. En fait, donc c'est encore une question de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, les gens quand ils ont des... C'est-à-dire, l'agile, c'est bien quand il n'y a pas de problème. Quand c'est petit, c'est... Voilà. Mais en fait, dès qu'on a quelque chose de bien précis, alors là, non. On ressort la bonne vieille... le bon vieux cycle en V des familles, on le sort à toutes les sauces, un bon diagramme de Gantt, et c'est parti. Et là, on est sûr que ça sorte au bon moment. En fait, ça sort jamais au bon moment. Et donc, en fait, cette question de confiance qu'on a, est-ce qu'elle est forte ou pas envers un élément ? Et c'est vers l'adversité qu'on a ça. Je pense que pour la sécurité, c'est un peu pareil. Je suis persuadé, mais intimement persuadé, que justement, le DevOps est une réponse au problème de sécurité. C'est-à-dire de mettre en place des liens forts entre développeurs et opérationnels, c'est ça aussi qui fait en sorte qu'il y ait une culture responsable de tout point de vue qui se mette en place. Mmh. Avoir en faire en sorte, par exemple, qu'on ait une CI/CD, ça fait en sorte que les développeurs n'aient plus accès à la prod pour tout va. D'avoir des systèmes de log généralisés, ça sert aussi bien à débugger qu'à auditer. Et je pense en fait vraiment que intrinsèquement le DevOps est une réponse à la sécurité. Et c'est pour ça que ça rejoint un peu Falcon X, que j'ai pas voulu nommer mais qu'on en a parlé la fois d'avant, qui était que l'erreur, même dans des cas industriels forts comme celui de l'aéronautique, et les échecs en font partie. Il y a quand même une composante que t'ignores, enfin que tu, je sais pas, c'est volontaire ou pas, c'est que autant les développeurs et les opérations sont présentes dans l'entreprise. Autant la plupart du temps, la compétence sécurité n'existe pas. Et c'est des tiers, c'est des consultants externes qui sont là et qui sont pas là tout le temps. Donc comment on travaille en DevOps avec des gens qui n'existent pas, avec la compétence qui n'existe pas? Alors pour avoir vu en fait là, pour avoir vu un peu une roadmap par exemple SCIDSS, en fait on s'aperçoit que déjà, il y a des audits en amont que tu peux faire, et en fait justement il y a une notion vraiment de rejeu et d'amélioration continue en fait, même dans le process d'accréditation PCI-DSS. C'est-à-dire qu'on va avoir des premiers auditeurs qui vont venir à un moment. Oui, c'est comme l'ISO. Qui vont, oui, voilà, ouais. Qui vont aller auditer. Et donc en fait, il y a la notion d'erreur en fait qui est incluse dans la certification PCI-DSS, puisque on va avoir un premier audit qui va être un audit purement formel, c'est-à-dire qu'on va et déclaratif, c'est-à-dire on a déclaré ce qu'on faisait et les auditeurs nous en donnent un avis pour amélioration, et on va évoluer comme ça en fait très très progressivement. Donc je pense même que en fait le cycle même d'amélioration continue, si jamais il est bien pris, peut aussi faire partie, et aussi le faire bien. Enfin, je pense que personne, aucun opérationnel ne veut avoir une perform complètement trouée parce qu'il sait que c'est lui qui devra réparer après. Donc la dimension même sécurité, si jamais elle est bien prise, si jamais on lui laisse le temps, bah je pense qu'il l'inclut dans le process avec des développeurs, etc. C'est pour ça que même en fait, il y a et c'est, je rejoins en fait même ce que tu dis, c'est que je vais même encore plus loin, c'est que on parlait que de risques humains et pas de risques techniques, mais même dans les risques techniques, en fait, ça devient encore des risques humains et des risques de confiance, etc. Je pense que vraiment, c'est... On parlait de la peur du changement dans le premier numéro de DevOps. Là, justement, j'ai l'impression que ce qui peut supposer du risque ou faire créer du risque, c'est vraiment le changement de paradigme qui apporte le DevOps. Et justement, les gens avaient l'habitude de travailler d'une certaine manière, donc on vient de parler du cycle en V, DevOps et la méthode agile chamboulent un petit peu les repères de tout le monde, et donc du coup, on s'en remet vraiment à la confiance, donc on en revient encore au terme de confiance, on s'en remet vraiment à la confiance, et quand il y a des responsabilités en jeu, c'est plus difficile de faire confiance. Et je pense que c'est là qu'il y a la notion de risque et d'échec, encore une fois, tous les sujets sont liés. C'est vraiment plus un sujet humain que technique, définitivement. Bah, si t'as quelque chose Non, je peux conclure. J'ai une petite conclusion sympathique. Donc voilà, je voulais aborder un dernier point, c'est que nous ne naît pas avec une inclinaison ou une aversion pour le risque. Par exemple, les entrepreneurs ne sont pas des serial risqueurs dotés d'une capacité innée à jongler avec les risques. Le risque n'est pas non plus un privilège et il n'est pas à déifier, car si on le fait, c'est la plupart du temps pour tenter de justifier l'accaparation du risque par certains. Des chercheurs de l'Université de Californie ont publié en 2013 une étude montrant que la prise de risque est corrélée à la fois à l'âge et à l'aisance financière des individus. Au final, nous nous trouvons dans une situation auto-entretenue où la capacité à prendre des risques est récompensée et saluée dans la société et vue comme une vertu, alors que cette même aptitude est monopolisée par une minorité privilégiée. Faut donc démystifier la prise de risque, car c'est un trait accessible à tous, dans tous les métiers. Il semble alors pertinent de se demander, dans une gymnastique mentale quotidienne, qui risquait vraiment quelque chose dans cette histoire. Voilà, une petite conclusion. Super. Ah, merci beaucoup. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On a déjà bien abordé tous les sujets. Je vais remercier tous les participants aujourd'hui. Donc Victor, Barthélémy et Marc, dans cet ordre-là. Et n'oublie pas de te citer aussi. Et oui, moi-même, Guillaume. C'est vrai que je crois même pas m'être cité au début. Non, tu t'es pas introduit, je crois. Je me suis pas introduit. Je ne sais pas trop comment prendre cette phrase, mais c'est vrai, Guillaume. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était encore un peu différent de la première fois. Et différent de la prochaine fois. Et différent de la prochaine fois. Et sans doute différent de la prochaine fois aussi, mais toujours mieux, on l'espère, dans une logique d'amélioration continue et de confiance dans l'avenir. Et de prise de risque. Je vous dis merci et à une prochaine fois. On se tient au courant par tous les canaux disponibles, Twitter, SoundCloud, on va peut-être même aussi le mettre sur YouTube, ce podcast. Donc n'hésitez pas à commenter, on essaye d'être réactif là-dessus, de voir un peu tous vos retours et on espère s'améliorer pour faire encore plus partager le DevOps. Donc merci. À bien. À la prochaine. Merci et à bientôt. Merci. Au revoir.